Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la peur. Publish or perish. Mobbing, ranking et omerta. Ma carrière allait de toute façon être bousillée si je disais quoi que ce soit. Une unie, désunie. Et au moment où j'ai eu un entretien, on m'a demandé quelles étaient mes recherches. C'est une guerre aimable. Un des deux qui m'a dit ce que vous faites, c'est de la merde. Donc tout le monde sait qu'on doit travailler à plein temps, mais tout le monde ne paye pas ses employés à plein temps. Le peuple lettré est dominé par l'envie. Vous ne pouvez pas prétendre à un projet de ce type parce que vous n'avez pas assez de publications. Parce qu'en même temps, ben, si on dénonçait, c'était tellement facile de se faire gicler, donc on accepte énormément de choses. On a énormément de cas qui passent sous le radar parce que ça arrange aussi les institutions d'avoir un radar peu performant. Marc Dupuis, à quelle occasion avez-vous la première fois croisé ce que immédiatement vous avez reconnu, identifié comme étant la question de la peur? Est-ce que c'était un cas qui vous touchait personnellement, qui touchait une autre personne? Et dans tous les cas, pourriez-vous nous le décrire? Alors je pense que je pourrais décrire plusieurs cas très différents, parce que la peur, on va la trouver aussi bien chez les étudiants, et ça peut être la peur de ne pas avoir de quoi payer son loyer à la fin du mois. Pour le cas d'espèce, le canton de Vaud a vécu une crise assez importante en 2016 avec les réformes liées au système de financement des études et de la formation qui entraînaient de tels retards qu'on avait des étudiants qui venaient nous voir en larmes en disant « Voilà, je vais plus venir au cours, j'ai besoin de travailler, je reçois pas ma bourse, donc il faut que je subvienne à mes besoins. » Là, j'ai senti une peur que je n'avais jamais vu aussi dur, aussi tangible, même dans mes propres études, où moi-même je suis un produit du système des bourses, et je n'aurais pas pu arriver où je suis sans ça. Parmi les autres exemples, on va tomber sur les cas beaucoup plus classiquement à même de faire les gros titres des journaux. Il est vrai que, en plus des conditions précaires des personnes qui font une carrière comme chercheur, on a un système hiérarchique qui est parfois un peu féodal sur la forme. Et si on se met en porte-à-faux vis-à-vis de son directeur de thèse, par exemple pour les doctorants, on sait très bien que la suite de la carrière va être extrêmement compliquée, ce qui amène à accepter jusqu'à l'inacceptable. Et les personnes en dessous dans la hiérarchie se plier à des demandes sans oser dire non, ça c'est le début de la peur, voire se retrouvent à tenter de dire non et suit des représailles. Et c'est là le risque. Qu'est-ce que c'est que d'être en porte-à-faux avec quelqu'un comme un professeur qui détient, vous venez de nous le dire, un pouvoir sans égal? Alors ce pouvoir, il est sans égal et j'aime bien, par analogie, penser aux dieux grecs. On en trouve de très bons, on en trouve de beaucoup moins bienveillants avec les simples mortels. Donc ça date pas d'hier. Quelque part, on retrouve quelque chose d'un mythe originel. Et parmi les moins bienveillants, on peut trouver des choses du type tâche du quotidien, faire la feuille d'impôt de tel ou tel professeur qui... La feuille d'impôt? Oui, oui. Comme les professeurs ont de bonnes chances de venir d'autres pays que la Suisse, contrairement au tissu professionnel qui est plus local, surtout du temps de la thèse, on se retrouve des fois à rendre des services qui n'ont plus rien à voir avec le travail. C'est un exemple tout à fait standard. Vous en avez d'autres, des comme ça? J'ai eu l'occasion d'être témoin de situations où on demandait aux stagiaires, de préférence aux demoiselles stagiaires, si je peux me permettre, d'accueillir les invités prestigieux dont on savait qu'ils étaient un peu libidineux parce que, on a quand même des personnes dont il était connu des fois quand elles venaient à des congrès, qu'elles étaient ingérables. Quand on est stagiaire, par exemple post-master, on s'attend à beaucoup de choses plus gratifiantes que de se retrouver à devoir poliment se débattre face à tel ou tel grand professeur américain qui ne pense qu'à vous regarder en dessous de la ceinture. Alors, est-ce un raccourci un peu simpliste que de dire, entre une affaire Weinstein et puis ce type de situation que vous êtes en train de nous décrire, au fond, quel que soit le milieu dans lequel ces affaires se passent, il n'y a pas tant grande différence quant au comportement? Alors, je pense que ce n'est pas un raccourci et qu'il y a même une explication sur les similitudes, à savoir que le milieu du cinéma a ça de commun avec le milieu universitaire, qu'il y a énormément de monde qui souhaite en gravir les échelons pour un très petit nombre de places à la fin, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et surtout un très petit nombre de personnes qui décident vraiment, qui font et défont les carrières, que ce soit au niveau du harcèlement moral, que ce soit au niveau du harcèlement sexuel. On est dans une situation où la personne qui est l'auteur de ce type d'acte se sent légitime dans ce qu'elle fait et intouchable. Et ça, c'est ce qui vient compléter la liste des P dont je parlais. Pauvreté, précarité, pression, mais le dernier, c'est perversion des relations de travail. On a malheureusement une très grande difficulté aussi avec un milieu qui est essentiellement constitué d'académiques, c'est que eux-mêmes souvent sont nommés à des places de décideurs pendant 3-5 ans, les doyens et leur décanat tournent, c'est très difficile de prendre des décisions quand on n'est pas formé au management, et ça l'est encore plus quand on sait très bien que la personne qu'on pourrait punir peut se venger en obtenant la même place d'ici 3-5 ans. Ce qui fait que beaucoup de gens restent assez immobiles face à la misère, voire face à l'inacceptable. C'était vraiment mon rêve, c'était la carrière académique. Donc c'était évident que je bossais comme une folle pour y parvenir. Tout était organisé pour ça. Donc ma vie était plus ou moins tracée dans ma tête. Mes études se sont très très bien passées. J'ai eu plusieurs propositions pour des postes d'assistanat à la fin. Donc ça se passait vraiment bien. Je dirais qu'ensuite, on sait la compétition qu'il y a pour ces postes, hein, quel qu'il soit, dès le poste d'assistante. Donc j'étais très flattée qu'on me demande comme assistante, je trouvais que c'était déjà chouette. Et puis en même temps, je suis entrée dans une espèce de cycle un peu pervers parce que, étant flattée, ça crée une espèce de relation de dépendance, je te dois quelque chose. Bon, même si c'est jamais dit, mais c'est insinué, souvent. Très vite, il y a eu du surtravail qui s'instaure. On se met à travailler énormément pour le corps professoral et on glisse au fil des semaines dans le toujours plus avec si tu m'écris un bout d'article, si tu me trouves une idée pour mettre en place un programme d'études, si tu me fais le programme pour le séminaire, c'est toujours plus, ça s'accumule. Évidemment que le taux d'encadrement, c'est des taux qui sont discutés chaque année, des fois chaque 6 mois, ce qui était mon cas, parce que c'était des collaborations interuniversitaires, interfacultaires. Donc c'est des budgets alloués à chaque prof, à chaque institut, et ils sont toujours rediscutés. Et donc il y avait aussi la précarité des postes. Il y a aussi la peur qui s'installe, la peur entre collègues, en ce qui me concerne en tout cas. J'avais peur que les autres se rendent compte à quel point je travaillais beaucoup, à quel point je corrigeais les épreuves à la place du prof, ce qui est complètement illégal. C'est vrai que je les corrigeais seule, je les notais seule, et puis il ne fallait pas que les autres se rendent compte. Donc il y a une méfiance qui s'est instaurée ensuite avec les collègues, avec les proches, pour qu'ils ne sachent pas, donc en fait une espèce d'enfermement où je ne peux parler à personne. peu à peu, il y a eu des déviations, d'abord verbales. Ça pouvait passer du dénigrement à la survalorisation. D'abord par rapport à mon travail, où un jour j'étais un génie, puis le jour d'après, mais qu'est-ce que je pensais, pourquoi j'étais dans le monde académique tellement j'étais mauvaise, tellement j'étais incapable. Je savais plus très bien si c'était bien ce que je faisais ou pas, finalement. Et puis ensuite, ça a dégénéré dans des gestes incorrects, que je n'ai pas tout de suite interprétés, d'autant plus que c'était vraiment une situation particulière où la personne jouait beaucoup sur ma sensibilité par rapport aux injustices, aux migrations, enfin tout ça. Et j'étais en même temps devenue une confidente de la vie privée et de la vie professionnelle et des relations interpersonnelles au niveau institutionnel. Donc je savais beaucoup de choses. Et ensuite, ça a vraiment dégénéré dans les attouchements. Le prof qui a débarqué chez moi, qui m'épiait. Quand il est allé beaucoup trop loin, je suis allée voir la médiatrice, la personne qui faisait la médiation à l'université pour lui parler de ce qui se passait. Donc moi, j'allais très mal, ça a duré 2 ans. La médiatrice m'a dit que c'était extrêmement dangereux, que je devais plus me rendre au bureau, mais qu'il ne fallait pas dénoncer, sinon j'allais zigouiller ma carrière universitaire, et que tout le monde se tenait les coudes au niveau professoral, et que de toute façon je ne serais pas défendue, et que je serais exclue du monde académique, donc il fallait que je me taise. Elle me disait qu'il fallait que j'évite le prof, en fait. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Le problème, c'est qu'il a commencé... il me téléphonait toutes les 10 minutes. Alors là, j'en ai parlé à mon compagnon, qui est devenu entre-temps mon mari. Mais pendant tout ce temps-là, lui, il voyait bien qu'il y avait un dysfonctionnement. Mais je cachais énormément. Aussi parce que j'avais honte, en fait, d'accepter tout ça. Et que j'avais peur. Et que j'avais peur de perdre le statut que j'avais acquis avec autant de travail. J'avais aussi peur de ce qu'on dirait de moi, d'avoir accepté, d'avoir été si loin, de ne pas avoir su arrêter la machine avant. Quand il a commencé à m'appeler toutes les 10 minutes, le jour, la nuit, en me laissant des messages que, heureusement, j'ai gardés, hein, ma messagerie, ça faisait des preuves. Et donc, quand la médiatrice m'a dit ça, j'étais un petit peu déstabilisée. Et puis, comme ça ne s'arrêtait pas, je suis allée voir le rectorat pour parler de la situation en me disant qu'ils allaient faire quelque chose. Et en fait, j'ai parlé au vice-recteur en qui j'avais confiance, et lui, il m'a donné le même conseil que la médiatrice, ça veut dire de me taire, que je n'aurais aucun moyen de me défendre et que ma carrière allait de toute façon être bousillée si je disais quoi que ce soit. Il m'a aussi dit qu'il savait que des choses comme ça se passaient et que je n'étais pas du tout en situation isolée, mais qu'il n'avait pas le pouvoir d'agir. Alors quand je suis allée voir la médiatrice, c'était aller loin, très très loin. C'est-à-dire que plusieurs fois, il m'a serré contre lui, il m'a touché les seins, il m'a obligée à m'asseoir sur ses genoux, il me caressait, donc voilà, ça a été très loin. Et encore une fois, il est venu chez moi, et ça m'a fait très peur. Un soir, il a débarqué chez moi, j'étais seule, et j'ai réussi à le menacer, que j'allais appeler la police immédiatement, et sa femme, parce que je connaissais sa femme aussi, et ses enfants. Et en fait, j'étais très soucieuse de sa femme et de ses enfants, je me disais, mais quelle horreur ça doit être de vivre avec ça. Et d'autant plus que j'ai appris par la suite que je n'étais pas la seule à qui il s'en était pris. Mais que, comme moi, les autres femmes n'avaient jamais osé le dire. Enfin, ce soir-là, il est parti parce que ce n'est pas quelqu'un de très courageux, quand même. Ça s'est terminé au tribunal fédéral. Faut dire que ça a été très long, très très long. Finalement, j'ai porté plainte parce que j'ai gravement décompensé, en fait. Et c'est mon médecin qui m'a dit qu'il fallait porter plainte et qui m'a soutenue et il m'a sauvé la vie. C'est clair, parce que sans lui, je pense que c'est destructeur de ne rien dire, de laisser aller, alors que ma carrière a été tout bonnement bousillée. Mais ça a été très long parce qu'il y a eu toute la phase d'enquête qui est terrifiante et il faut vraiment être très solide. Et je pense que si je n'avais pas été entourée, ma famille qui a remis en doute ce que je disais, qui ne comprenait pas comment j'avais pu... beaucoup de gens, d'ailleurs tout le monde qui remet en doute parce qu'ils disent « comment tu as pu ?» Mais ils ont bien vu que j'avais changé. En 2 ans, je n'étais plus du tout la même personne, mais plus du tout. Et d'ailleurs, il m'a fallu des années pour me reconstruire et ressembler à ce que je suis de nouveau, parce que c'est destructeur. Alors lui, il a fait recours. Et il y a eu l'enquête qui a duré presque 2 ans. C'était très très très long, l'enquête. Et il faut aussi imaginer ce que ça détruit au niveau relationnel. Tous les gens qui prennent parti, les autres profs qui m'en veulent, qui n'ont pas compris. Quelqu'un m'a dit « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait ? Maintenant, alors quoi ? Si maintenant, on peut plus s'amuser avec nos assistantes ?» Enfin, des remarques hallucinantes. Et puis, donc, tout ça, tout le relationnel. Et puis après, ne plus savoir en qui avoir confiance ou pas. Donc, tout ça, ça détruit. Et puis l'enquête qui dure. Moi, j'ai été écartée de l'université pendant l'enquête, qui a duré 2 ans. Ensuite, l'université a pris position et a décidé de le licencier. Donc, il a été licencié avec effet immédiat, mais il a fait recours. Et donc ça a ouvert la procédure au niveau cantonal. Et puis le niveau cantonal avait donné un premier jugement qui était en sa faveur, que ce que je disais était certes certainement vraisemblable et possible, mais que ça ne méritait pas quand même un licenciement. Et là, c'est l'université qui a fait recours au niveau fédéral et ça a duré jusqu'en 2014. Et en 2014, le tribunal fédéral l'a condamné, que le licenciement avec effet immédiat était plus qu'adéquat puisque c'était tellement grave ce qu'il avait fait, c'était grave. Et lui n'a pas fait recours contre la décision du tribunal fédéral. Et il s'est arrêté là. Et puis maintenant, ensuite, je ne sais pas, je n'ai jamais voulu prendre de ses nouvelles. Ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'il fait, je n'ai pas envie de le savoir. Il y a eu un embargo, c'est très tabou ce que je vous raconte là. C'est extrêmement tabou, on en parle très peu. Quand il y a eu mon affaire, j'ai appelé d'autres personnes, il a fallu que je trouve d'autres témoignages pour corroborer ce que je disais. Et puis des femmes ont osé témoigner. Et du coup, ça a fait un peu tache d'huile, c'est-à-dire que d'autres personnes dans d'autres départements ont commencé à parler, à révéler des choses, donc c'était un peu un mouvement comme ça, général, qui s'est mis en branle dans la faculté. Après, j'ai réintégré l'université pendant un moment, mais ça a été très lourd pour moi, extrêmement lourd, parce que je sentais que j'étais vraiment mise au banc, par une partie en tout cas, et que j'avais créé une scission entre des profs, entre ceux qui pensaient que j'avais bien fait et ceux qui pensaient que je n'étais qu'une conne. Marc Dupuis, grâce à vous et en tant qu'ancien président de cette association syndicat du corps intermédiaire et des doctorants de l'UNI, la CIDUL, vous avez pu être, et vous allez nous y aider, à être aux premières loges de témoignages, sans doute bouleversants, en tout cas liés à ce thème dont nous nous occupons cette semaine, la peur. Pourriez-vous peut-être nous donner un ou deux exemples très précis, afin que nous nous retrouvions comme vous vous êtes retrouvé vous-même dans le bureau de la CIDUL, avec en face de vous quelqu'un qui, homme ou femme, et racontez-nous. Alors j'ai deux cas précis en tête qui sont des cas qui m'ont marqué plus personnellement, ça m'a atteint au trip. Le premier, j'en donnerai juste un extrait parce que ça s'insère dans des mois de torture psychologique, mais c'était une situation de harcèlement où une jeune fille apprentie s'est retrouvée à subir des pressions au travail de la part d'un collaborateur évidemment hiérarchiquement beaucoup plus élevée et plus âgée, qui détenait, entre autres informations, l'adresse de cette personne. Et je me suis retrouvé une fois apprendre de cette jeune femme qu'elle avait vécu quelque chose d'inacceptable, de l'ordre de la peur, totalement en dehors de l'université, en dehors des murs, à savoir que cet homme lui envoyait par conversation WhatsApp des photos de sa progression. Il se rendait chez elle et lui envoyait, en suivant les arrêts de transport en commun, sa progression. Et il a fallu une intervention extérieure pour faire partir cette personne. On atteint des choses délirantes de ce niveau, malheureusement, dans ces milieux où il n'y a pas beaucoup de surveillance et très très peu de risque d'être sanctionné. Quand une personne est sanctionnée, c'est déjà tellement trop tard qu'elle a un nombre d'affaires et un nombre de témoignages à charge qui est si important qu'elle est éliminée du système de façon violente. Mais une pour combien ? Une pour combien de cas existants ? Et pour ce cas-là, la situation a duré combien de temps ? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Sans entrer dans les détails, la personne a décidé de partir. La victime ? Oui, tout à fait, effectivement. C'est pour ça que ça me touche d'autant plus, c'est que malheureusement, on peut essayer de défendre les cas, mais on n'arrive pas toujours à les sauver. Et j'en fais un cas tout à fait personnel, puisque je suis malheureux de voir qu'une personne brillante se retrouve à être celle qui doit partir. Et celui qui exerçait les pressions n'a jamais été inquiété ou a fini tout de même par subir quelques conséquences ? Pas à ma connaissance, mais en plus, sur des postes tournants, ça donne l'occasion de voyager et de se faire oublier. Qu'il s'agisse des auteurs ou des victimes, une victime, c'est facile de s'arranger pour qu'elle parte. Ça diminue le risque d'avoir des complications à l'interne. Donc, quelque part, pour l'instant, l'institution n'a pas d'intérêt d'un point de vue économique à ce que les affaires soient vraiment traitées. C'est plus simple pour tout le monde que les victimes partent, ce qui est dramatique. Est-ce que ce cas spécifique a été relayé dans la presse d'une façon ou d'une autre ? Y a-t-il eu, autrement dit, au sein de ce paysage plein d'omerta, des fuites ? Alors absolument pas, et ça me permet de parler du deuxième exemple qui, lui, a été traité dans la presse. Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2016, on a eu un cas de personne qui avait fait l'objet d'une enquête administrative, donc par le groupe Impact, en l'occurrence, qui est l'organe désigné par la chancellerie du canton de Vaud, qui avait effectivement constaté qu'il y avait eu cas de harcèlement sur des collaboratrices. Et la personne avait été, dans un premier temps, suspendue, puis mutée. Ce qui avait donné lieu à une fuite dans le 20 minutes Ferreur au mois de juillet 2016. Et nous avait lancé mon association et moi-même dans une démarche pour vraiment pousser l'institution à changer sa façon de traiter les cas de harcèlement moral et sexuel. Malheureusement, je dois avouer avoir eu affaire à pas mal de désillusions, y compris sur le plan politique, puisque parmi les choses très positives, on a eu des députés qui ont relayé nos questionnements jusqu'au Grand Conseil, et ça c'était une très bonne chose. Mais navré si je tire un peu sur l'ambulance maintenant qu'elle est à la retraite, la conseillère d'État en charge de l'enseignement, Madame Lyon à l'époque, avait répondu pour toute question relative au harcèlement en milieu universitaire, qu'il n'y avait pas de statistiques qui permettaient de montrer qu'il y avait des cas. Et en fait, ça a été un de nos premiers terrains de bataille. Ce qu'on regrette, qu'il n'y ait pas de statistiques. Des statistiques, on en a un certain nombre qui sont informelles, notamment pour les syndicats. On sait très bien combien de personnes viennent nous voir. On a des statistiques de nos mains courantes. On sait qu'on est largement sollicité pour des questions de clarification de ce qui est ou non acceptable. Donc sur les statistiques positives des institutions, on peut juste ajouter les statistiques moins positives des associations de professionnels qui sont consultées avec des questions du type « je vis ça, est-ce que c'est légal ?» Et souvent la réponse c'est non. On a énormément de cas qui passent sous le radar parce que ça arrange aussi les institutions d'avoir un radar peu performant. Il faut, sachant que nous sommes dans un domaine fort mal connu une fois encore du grand public, peut-être nous donner une dimension, nous donner l'échelle. Est-ce qu'on a affaire à quelques cas de temps en temps? A-t-on affaire plutôt à un très grand nombre de cas? Et pouvez-vous peut-être nous donner une échelle qui nous Alors, permettra je de mieux pense comprendre. Que c'est une très bonne question de savoir quelle échelle on va utiliser, parce que malheureusement... On a aussi facilement une rhétorique assez mesquine qui se joue entre, quelque part, le nombre de victimes, qui peut être très élevé, et le nombre d'auteurs. Et là, il faut quand même rendre cela aux professeurs et aux autres professionnels qui peuvent se retrouver entachés par le mauvais comportement de quelques personnes. Je pense que le nombre d'auteurs est beaucoup plus restreint que ce qu'on pourrait croire, mais le nombre de victimes est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait croire, ce qui est extrêmement délétère. Ça veut dire que on a envie de se taire. Ça veut dire que ça dure et que ça se poursuit. Mais que ça dure des fois durant 20 ans. Oui, oui. Et j'avais découvert il y a quelques années que les corps estudiantins des différentes universités s'étaient lancés aussi eux-mêmes dans leur enquête quantitative. Et à Lausanne, la Fédération des associations d'étudiants avait investigué tout ce qui portait sur les mauvais comportements entre étudiants, que ce soit sur le campus ou en dehors, à partir du moment où la base de la relation entre les étudiants, c'était la rencontre par l'université. Et on avait eu droit à des résultats intermédiaires. Malheureusement, j'ai pas vu les résultats finaux, qui étaient tout à fait glaçants, avec un peu moins d'une centaine de cas de contraintes sexuelles qui avaient été rapportés comme ayant eu lieu sur le campus de Dorigny. C'est impensable dans un premier temps, puis d'un coup on s'assoit, on se dit « mais on a peut-être vu ça, enfin on a peut-être vu les signes, mais visiblement il y en a énormément ». Le témoignage était dit aujourd'hui par Daniel Zacher. Sur le site d'Histoire Vivante, vous pourrez retrouver la suite de ce long entretien avec Marc Dupuis, docteur en psychologie, ancien président de la société Acidule, association du corps intermédiaire et des doctorants et doctorantes de l'Université de Lausanne. Je rappelle deux ouvrages qui ont enrichi la proposition, celui de Françoise Vaquet, Une histoire émotionnelle du savoir chez CNRS Éditions, et Le monde vécu des universitaires de Laurence Viry aux presses universitaires de Rennes. Rappelle également que ce thème de la peur devait être au cœur de la nouvelle édition des rencontres Histoire et Cité, organisée par la Maison de l'Histoire Université de Genève, événement malheureusement annulé pour les raisons que l'on sait. Et enfin, vous avez rendez-vous avec ce sujet de la peur dans un tout autre contexte, avec le documentaire d'Histoire vivante « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler » de Jérôme Prieur, à voir dimanche soir sur RTS2 ou encore sur le site des docs de la RTS. Portez-vous bien, la réalisation de cette semaine était signée Jean-Philippe Svalen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacher. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.